Premier amour, premier baiser, le vent chaud du mois de mai. J'entendais tes rires courir dans l'air figé de l'été suffocant qui avait tout son teint. Ta blouse entrouverte, mon oreille sur ton cœur, couché dans le champ, on avait fait le serment de ne jamais vieillir, de ne jamais mourir. Sous les cheminées, celles qui brûlent jour et nuit. Sous les cheminées, celles qui brûlent jour et nuit. Le fleuve était caché comme il a toujours été. Devant le restaurant, on traînait nos 15 ans. On regardait passer des cargos étrangers baptisés de surnoms qu'on leur avait donnés. Chargés d'horizons de nos rêves déchaînés, chargés des soirées sans savoir où aller. Quand les yeux se ferment en quittant le rivage, quand les yeux se ferment pour regarder cette image. Sous les cheminées, celles qui brûlent jour et nuit. Sous les cheminées, celles qui brûlent jour et nuit. Dans un pays encore à genoux, des noms de rue empruntés un peu partout. Boulevard Broadway, par choc chromé, gang de quartier, vent de liberté, cinéma qui se mire dans les flaques d'eau, qu'éclabousse aussitôt les rêves brisés. Semaine rapiécée en robe du dimanche qui refait le trajet, protégé par les anges. Sous les cheminées, celles qui brûlent jour et nuit. Sous les cheminées, c'est qui brûle jour et nuit. Le soleil s'endort sur la lignée de wagons. À bien regarder, rien n'a vraiment changé. Derrière la fumée, maison d'ouvriers, les rêves oubliés, l'autre côté du fossé, et le vent murmure entre les peupliers, le secret des mots à faire à la vie, ne jamais vieillir, ne jamais mourir, même s'il fallait y laisser sa peau. Sous les cheveux, c'est qui brûle jour et nuit. Sous les cheminées, c'est qui brûle jour et nuit. Jour et nuit. Jour et...